terrible, 250 000 morts. Il est resté quelques heures sur le tarmac. Donc vous passerez une journée en Haïti, c'est très bien. Vous êtes le premier président, j'ai l'impression, d'Europe à se rendre à Cuba. Là aussi, nous aimons Cuba. Et donc, il me plaît de le souligner et de dire que nous en sommes fiers. La Guadeloupe vous attend avec affection, mais aussi avec impatience. Mais oui, Joseph... Voilà, veuillez nous excuser encore une fois pour la mauvaise qualité. Rougir notre préfet de région. On écoute Victorin Lurel. Il fait un excellent job et a réuni récemment les forces vives, comme l'on dit, de l'économie. On a entendu les critiques. J'ai eu à dire à mes amis qu'il ne faut pas sombrer dans la sinistrose, même si les choses sont compliquées. La crise est bien là. Mais il y a des difficultés réelles qu'il faut prendre en compte. Et quelquefois, c'est vrai, malgré la bonne volonté affichée, eh bien, ça prend du temps. Il y a des lourdeurs, il y a des lenteurs. Il faut comprendre ça. Georges Pollangemin a débloqué très récemment un certain nombre de choses, notamment avec la Commission européenne sur les règlements généraux d'exemption. Ça marche sur l'articulation entre la DEAL et la DRFIP. En général, voilà deux excellentes administrations. Mais lorsqu'il y a différence d'interprétation, alors les dossiers prennent du temps. Monsieur le Président et mesdames et messieurs les ministres, je sais que vous ne manquerez pas de donner les instructions appropriées pour que les choses aillent vite et que les nombreux dossiers qui sont ici bloqués, notamment en matière de logement et en matière de défiscalisation, que les choses aillent beaucoup plus vite. Donc on attend ça avec quelque impatience. Et puis... ici, nous sommes des gens responsables. Nous savons qu'il y a la crise. On n'attend pas uniquement sur l'État à tendre la main, quelquefois, en s'impatientant un peu. Non, non. Elle a dit publiquement, dans une conception contracyclique de la politique économique, que s'il y a un redressement national à faire, nous y prendrons toute notre part. S'il y a des diminutions des dotations de l'État, on comprend ça et on participera. Et que nous aussi, nous devons faire notre part de boulot, hein, disons ça très clairement et simplement, eh bien qu'elle fera un emprunt entre 80 et 100 millions. Celui qui vous parle, l'exécutif régional, nous avons fait cette année un emprunt de 150 millions, dont 100 millions mobilisés cette année pour relancer l'activité, pour soutenir, pour accompagner ce qui se fait. C'est ce que nous attendons de toutes les grandes collectivités et on va le faire, je l'espère, de belle manière, encore de plus belle manière, dans une coopération renforcée avec le département qui vient d'être renouvelé, là aussi, disons-le, sans vouloir blesser, de belle manière. Donc nous ferons ça pour accompagner l'activité économique. On le fera. On le fera. Nous avons quelques gros dossiers, les déchets, il faut tout reprendre. C'est un dossier de plus de 210 millions. Eh bien, là aussi, le département, la région garantit, mais subventionne, nous ferons. Sur le problème de l'eau, la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, est venue ici et a mis son grain de sel dans l'affaire en disant, écoutez, nous sommes prêts à vous aider, mais mettez d'abord de l'ordre chez vous. Nous l'avons fait, madame la ministre, chère Ségolène. Aujourd'hui, il y a de l'ordre, il y a une gouvernance. Là aussi, j'allais presque dire revue et corrigée. On se réunit régulièrement et je crois que ça marche. Nous demandons le concours de l'ONEMA. L'Office de l'eau de la Guadeloupe y met quelque chose. Le département, la région, l'Europe, il nous faut au moins 30 millions pour faire effet de levier et consacrer à l'eau potable, pas à l'assainissement et aux eaux usées. L'État étant régulièrement condamné, le maire de Guayave est là et en sait quelque chose, Petit Beaumont-Nalo en savent quelque chose, il faut absolument sur l'eau potable, pour effet de levier, faire des emprunts et trouver les moyens de financer 600 millions de travaux. Nous n'attendrons pas 10 ans. Oui, nous avons été coupables. Oui, nous sommes responsables de ce qui s'est fait pendant une trentaine d'années, canalisation pourrie et autres tuyauteries qui ne fonctionnent pas. Manifestement, nous devons prendre le objectif de l'État en matière d'eau et d'assainissement. Nous ferons. Nous ferons. Donc, nous comptons sur la bienveillance de l'État. l'université, Monsieur le Président. Nous attendons avec impatience la date du 21 mai à Paris. Il y a eu un écosystème, si j'ose dire, antillais, et puis une ambiance parisienne qui fait que, bon, Najat Vallaud-Belkacem a été très clair, le gouvernement a été très clair, et on a apprécié de dire, voilà la feuille de route. Nous prendrons le texte sorti de l'Assemblée nationale, même si il ne donne satisfaction à personne, mais en tout cas, il est équilibré, il est bon, et j'ose dire ici, il est efficace, à condition qu'il soit voté. On a eu le courage politique de dire que nous refusons les conclusions de la commission mixte paritaire. Il faut trois choses. Premièrement, que ce texte Voilà, Victorin Lurel, est-ce qu'on va pouvoir retrouver direct ? Oui. Est-ce que la liaison va pouvoir être rétablie en direct du Palais des Sports, du Gosier ? Quelques difficultés sur la qualité du son, on s'en excuse. Pierre-Yves Chicot, une réaction déjà sur ce qui a été dit par Victorin Lurel, peut-être. Oui, tout à fait. Je terminais par l'idée de la contractualisation de l'action publique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Je sais qu'une proposition de 600 000 euros pourrait être faite, c'est insuffisant, Monsieur le Président. Il faut donc faire mieux que cela, et je compte sur votre compréhension pour le faire. Et puis, bon, j'ai moi mis... Et quand je dis cette majorité, les élus de ce pays, nous avons quand même investi 600 millions dans l'université. Et nous avons construit sur terrain d'État, sur un ancien hôpital militaire, inauguré par l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, le plus beau campus de France, disait-il. Et il n'a pas tort. On a mis 51 millions, dont 11 millions de l'État, dans cette affaire. C'est beau, mais c'est aujourd'hui surface d'État. Ce n'est plus une surface régionale. Nous demandons, conformément au texte de la loi organique relative aux finances publiques et à l'instruction comptable M9, eh bien, d'intégrer ces surfaces dans l'établissement public d'enseignement supérieur. Et donc, et ce n'est pas une compétition de mauvais aloi avec une région proche de nous, de la Martinique, nos frères et nos sœurs de la Martinique. Ce n'est pas ça. De dire, il y a des textes, nous sommes en état de droit, on demande que le recteur fasse jouer son contrôle de légalité et vérifie que les choses sont simplement appliquées. Et que si, en plus, l'État voulait mettre une petite rallonge, je peux vous dire, ça mettrait du beurre dans les épinards. Voilà. On peut dire ça comme ça. Et puis, puisqu'on est là, Monsieur le Président, toute la Guadeloupe attend, et croyez-moi, ce n'est pas un caprice une sorte d'enfantillage, un caprice que de vouloir un cyclotron ici. Ce n'est pas un enfantillage. Avoir entre 1500 et 1700 cancéreux ici, lorsque nous attendons depuis à peu près 8 années, un cyclotron qui avait déjà été financé, qui ne l'a pas été. Lorsque l'on sait que le business model a changé et que la technologie française a mis au point filières et des process industriels qui changeraient d'ailleurs la donne dans l'Hexagone et peut-être en Europe, et que nous avons eu le courage de dire nous le voulons parce que nous ne pouvons plus attendre. Et en plus, la sécurité sociale n'aura pas à le financer parce qu'en moins de 2 ans, exceptionnel, nous allons le rentabiliser. Et que, par ailleurs, l'État doit contrôler ce que nous ferons. Mais l'avis préalable qui dure depuis déjà pratiquement 9 mois, non, c'est trop. C'est vous-même, Monsieur le Président, qui avez demandé un choc de simplification. Je demande que l'on applique ce choc de simplification ici. Et que nous allions plus vite. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, Monsieur le Président, je n'ai jamais demandé ici ni l'indépendance, ni même l'autonomie. Je veux qu'un maximum de pouvoir soit domicilié le plus proche possible des citoyens guadeloupéens. Et pourtant, je ne dépends pas de Paris dans cette affaire-là. Je ne veux pas dépendre de Paris. En revanche, vous êtes président de la République, il y a un gouvernement, il y a plusieurs rapports qui ont été faits. Nous attendons avec impatience les résultats de ce rapport. Mais nous voulons notre cyclotron, Monsieur le Président, on se donnera les moyens de l'avoir. Je demande une seule chose, nous demandons une seule chose, un égal traitement avec nos amis de la Martinique. Pas plus, pas moins. Pas plus et pas moins. Voilà. Une parité de traitement, pour ne pas dire de financement. Mais pour le reste, je l'ai dit, nous sommes responsables. On le restera. Et donc, on fera. Monsieur le Président, vous arrivez à un moment important, nous allons inaugurer demain un monument. Je répète ici devant tous les élus de la Guadeloupe réunis, nous l'avons tous voulu. Et depuis de longues années, c'est une question récurrente et lancinante. C'est, si j'ose dire, une question d'âme et peut-être de cohésion sociale et sociétale. Nous ne l'avons pas voulu pour opposer les composantes de la société guadeloupéenne. Au contraire, on l'a dit dans quelque chose qui peut choquer dans une république laïque, on l'a voulu pour la réconciliation, qui est un sacrement de l'Église catholique, pour dire que nous sommes tous frères et sœurs et que eh bien, nous devons marcher ensemble. Et donc demain, j'allais presque dire, Monsieur le Président, pour le laïc que vous êtes, nous allons communier ensemble demain à une très belle chose. Et je le dis à une beauté. Et je finirai sur une chose pour vous montrer que l'égalité est encore une idée neuve en Guadeloupe. C'est une, elle hante encore la Guadeloupe. Nous voulons l'économie, l'égalité économique réelle. Il y a mon ami Patrick Caram qui est là et qui porte ça avec maestria et avec ardeur. Vous l'avez reçu en sa qualité de président du CREFOM, le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer. Il se trouve qu'ils ont voulu, par la grâce d'un conseil d'administration qui a été fait à mon insu, me porter président d'honneur. Mais c'est une affaire portée par tous les Outre-mer, par le CREFOM, par le cinquième ou sixième dôme qui est à Paris, dire, après toutes les égalités, et vous-même, vous avez été exhaustif dans votre propos au dîner solennel du CREFOM, après l'égalité civique, citoyenne, politique et sociale, il faut l'égalité économique. Nous attendons une grande et belle audace de notre président de la République. On vous dit qu'on vous aime ici. Merci, Monsieur le Président. Voilà, vous venez d'entendre Victorin Lurel, le président de région, qui a réaffirmé sa volonté de voir la création d'un cyclotron en Guadeloupe.